إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اعلموا أن أعظم الذنوب التي عزي الله بها الإشراك به ولهذا اشتد غضب الله على المشركين فأوجب لمن مات عليه يعني لمن مات على الشرك الخلود الأبدي في النار كما صرح بذلك ثلاث آيات من كتابه الكريم وهي قوله تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا وقوله تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا وقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله يعني معصية الكفر فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا فهذه ثلاث آيات مصرحة بأوضح عبارة وأبينها أن من مات على الشرك الأكبر فإن مصيره إلى جهنم خالدا مخلدا فيها أبد الآباد والعياذ بالله كما أخبر عن نفسه أنه لا يغفر خطيئة الشرك لمن مات عليها فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وأخبر سبحانه أن من مات على الشرك فالجنة عليه حرام قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وحقيقة الشرك أن تجعل لله ندا فتصرف له من العبادة الظاهرة أو الباطنة ما لا يجوز صرفه إلا لله وحده فمن عبد غير الله ولو مثقال ذرة فقد أشرك بالله العظيم Serviteur d'Allah, sachez que le plus grand péché par lequel on désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de commettre le shirk et de donner à Allah subhanahu wa ta'ala des partenaires. Et la colère d'Allah s'est endurcie contre les mushrikins, ceux qui associent avec Allah subhanahu wa ta'ala, et il a rendu obligatoire pour eux que celui qui meurt sur ce péché, c'est-à-dire sur le shirk majeur, et bien qu'il sera éternellement dans l'enfer. Et cela a été expliqué de façon claire et explicite dans plusieurs versets dans le Coran, dont trois. Le premier, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Certes, ceux qui ont mécru et qui ont fait de l'injustice, Allah ne leur pardonnera pas et ne les guidera pas sur le chemin, excepté le chemin de l'enfer pour y demeurer éternellement. » Et voilà, et cela est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans l'autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Allah a certes maudit les kafirines, ceux qui ont rejeté la foi, et il a préparé pour eux la fournaise pour y demeurer éternellement, et ils n'y trouveront aucun allié ni secoureur. » Et dans l'autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Et quiconque désobéit à Allah, c'est-à-dire de la désobéissance, du kufr, c'est-à-dire de la mécréance, alors il aura l'enfer pour y demeurer éternellement. » Ces trois versets sont explicites et clairs et expriment de façon claire et de façon certaine que celui qui meurt alors qu'il commet le shirk majeur, c'est-à-dire qu'il associe ou qu'il adore d'autres que Allah, eh bien sa destination sera l'enfer pour y demeurer éternellement. Que Allah nous préserve de ce châtiment. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans plusieurs versets que celui qui commet le péché du shirk et qui meurt sur le shirk sans demander pardon avant de mourir ou sans s'en repentir, eh bien il sera également interdit du paradis. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha » Allah ne pardonne pas qu'on commette le shirk avec lui, mais il pardonne tout autre péché que celui-là à qui il veut. Tout autre péché que le shirk, tout autre péché qui est moindre que le shirk, Allah subhanahu wa ta'ala le pardonne à qui il veut. Mais tandis que le shirk, celui qui meurt sur ce péché, il ne lui sera jamais pardonné et il sera en enfer pour l'éternité. Et Allah subhanahu wa ta'ala a également informé que celui qui meurt sur le shirk, le paradis lui sera interdit. Allah dit ce qui signifie, celui qui commet le shirk avec Allah, Allah lui interdit certes le paradis et sa destination sera l'enfer, et pour les injustes aucun secoureur. Et donc la réalité du shirk, qu'est-ce que c'est le shirk? C'est de donner à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala des égaux en leur offrant une forme quelconque d'adoration, peu importe que cette forme d'adoration soit apparente ou cachée. Et quand on dit apparente ou cachée, c'est-à-dire les adorations apparentes sont les adorations qu'on fait avec notre corps ou les adorations qu'on fait avec notre langue, comme les invocations, la prosternation, les sacrifices, hein, les pèlerinages et ainsi de suite. Et les adorations intérieures et cachées, c'est-à-dire les adorations telles que l'amour d'Allah, l'amour d'Allah, l'espérance en Allah, le fait de mettre sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et beaucoup d'autres de ces adorations qui sont les adorations du cœur et qu'on ne peut pas voir extérieurement nécessairement, mais bien entendu qui se manifestent par des actions par la suite. Et donc il n'est pas permis à quiconque d'offrir à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe ce que cette chose-là peut être, une forme quelconque d'adoration. Et celui qui le fait, celui qui offre à autre que Allah une forme quelconque d'adoration, même si c'est une graine d'atome d'adoration, eh bien il a commis du shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. وَالْعِبَادَةُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ وَهِيَ كُلُّ مَا أَخْبَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنَّهُ يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ وَمِنْ أَجَلِّ الْعِبَادَاتِ الدُّعَاءُ وَالِاسْتِغَاثَةُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ وَالذَّبْحِ وَالنَّذْرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَدْخُلُ فِي بَابِ الْعِبَادَةِ فَهَذِهِ وَأَمْثَالُهَا مَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا لِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ فقد أشرك وإن مات عليه لقي الله بالذنب الذي لا يغفر وقد التبس على كثير من الناس معنى الشرك فأشركوا بالله وهم يظنون أنهم مسلمون بسبب بعض الشبهات التي زينها الشيطان للعباد حتى يشركوا بربهم فيكونوا في حزبه الخاسرين الخالدين في العذاب المهين فمما زين لهم الشيطان وأولياءه أن العبادة أن تعبد الله فقط فمن عبد الله فهو الموحد وهذا غير صحيح وهذا فهم غير صحيح حيث ينقصه الركن العظيم من أركان العبادة وهو ترك عبادة ما سواه فمن عبد الله وصرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك غير موحد فلا تسمى العبادة عبادة إلا مع التوحيد فلو عبدت الله وحده 1000 سنة ثم أشركت بالله حبط عملك كله كما يبطل الحدث الوضوء قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون فلهذا فالله عز وجل يقرن بين الأمر بعبادته والنهي عن الشرك والنهي عن الشرك به قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى والعروة الوثقى هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله والمتمسك بها هو من عبد الله وكفر بعبادة ما سواه serviteur d'Allah, sachez que les formes d'adoration sont nombreuses et Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il a mentionné dans le Coran et tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans la Sunna, de ce qui fait partie de ce que Allah aime et de ce qu'il agrée, que ce soit parmi nos actions ou parmi nos paroles, qu'elles soient apparentes ou cachées, eh bien, elles font partie de l'adoration. Tout ce que Allah mentionne dans le Coran, il dit qu'il l'aime et qu'il aime que ses serviteurs fassent ces choses, eh bien, ou disent ces choses, eh bien, ça, ce sont des adorations. Et parmi les plus grandes formes d'adoration, il y a le dua, l'invocation. Et il y a al-istirafa, c'est-à-dire d'appeler au secours Allah subhanahu wa ta'ala lors des difficultés et des malheurs. Également, parmi les grandes formes d'adoration, il y a les sacrifices et le fait d'immoler, de sacrifier des animaux pour Allah subhanahu wa ta'ala. Également de faire des vœux pieux pour Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça font partie des différentes formes d'adoration. Et ces formes d'adoration-là, si quelqu'un les offre à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, alors il a commis le shirk. Et s'il meurt sur cet état, hein, ayant commis le shirk, c'est-à-dire d'ayant invoqué autre que Allah ou d'adorer autre que Allah, eh bien il a commis le péché qui ne peut pas être pardonné. Et il a fait donc le plus grand crime. Et beaucoup de gens ont été confus au sujet du shirk et ils ne savent pas réellement qu'est-ce que ça signifie. Et donc ils font du shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala et ils se disent musulmans et ils se pensent musulmans à cause de certaines ambiguïtés et certains doutes qui ont été enjolivés à certains des adorateurs et certains des serviteurs d'Allah qui ont justement été trompés par ces ambiguïtés-là et qui ont commencé à faire partie du groupe et du parti du shaitan sans le savoir et qui se retrouveront malheureusement parmi les perdants dans l'au-delà et dans le châtiment humiliant dans l'enfer. Et parmi les exemples de shubuhat ou d'ambiguïté que le shaitan a utilisé pour tromper ses alliés, c'est de faire croire aux gens que l'adoration, c'est d'adorer Allah. Et que du moment que tu adores Allah, tu es un unificateur, c'est-à-dire tu es un muwahid, tu es sur le tawhid, tu as unifié Allah dans ta croyance et dans ton action. Et cette compréhension est incorrecte en réalité, puisque ce n'est pas suffisant uniquement d'adorer Allah, mais il faut adorer Allah seul, c'est-à-dire rejeter tout ce qui est adoré en dehors de lui. Donc si tu adores Allah, puis que tu adores d'autres avec Allah en même temps, eh bien tu as, dans ce cas-là tu n'as pas unifié Allah subhanahu wa ta'ala, et tu as donc commis le shirk et tu n'es pas donc sur le tawhid. Et donc l'adoration ne peut pas être appelée une adoration excepté si elle est avec le tawhid, c'est-à-dire si elle est faite pour Allah seul et pour rien d'autre et pour personne d'autre que lui. Donc si tu adores Allah pendant 1000 ans et que tu commets le shirk par la suite, eh bien tout ce que tu as fait pendant ces 1000 ans comme adoration sera annulé. De la même manière que l'impureté, lorsque tu commets un acte qui annule ton wudu, eh bien, ça va annuler ta purification, même si tu t'es purifié. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le Coran que s'ils auraient commis de l'association, c'est-à-dire du shirk, ils auraient fait de l'idolâtrie ou d'adorer autre que Allah, tout ce qu'ils auraient commis comme bonne action aurait été annulé complètement. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de l'adoration dans le Coran, il l'associe toujours avec le rejet et l'interdiction du shirk et d'associer avec lui. Et donc il dit وَعْبُدُ اللَّهِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, c'est-à-dire adorer Allah et ne commettez pas de shirk avec lui. Hein? Et il dit également فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. Donc il ordonne pas seulement de croire en Allah, mais également de faire le kufr bit-taghut, c'est-à-dire de renier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc si tu n'as pas renié ce qui est adoré en dehors d'Allah, alors tu ne t'es pas tenu à l'anse la plus solide. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, celui qui a rejeté le taghut et qui a cru en Allah, c'est certes accroché à l'anse la plus solide. Et l'anse la plus solide, c'est la parole du tawhid, de dire la ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et donc celui qui s'accroche à cette parole de la ilaha illallah, eh bien c'est lui qui a adoré Allah et qui a renié l'adoration de tout ce qui existe en dehors d'Allah. كما زين الشيطان لأوليائه أن من اعتقد أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت فهو الموحد ولو عبد غير الله وهذا من أباطيل الشيطان وأوليائه المغترين بها فإن مشركي قريش كانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت الذي ينزل الغيث ويتصرف في أمر السماء والأرض. ومع ذلك حكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك وقاتلهم واستحل نساءهم وأموالهم، وذلك لأنهم لم يفردوا الله بالعبادة، فلم ينفعهم إقرارهم بتوحيد الربوبية الذي هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المالك. قال الله عز وجل عن المشركين: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولن الله فقل أفلا تتقون. خلاصة هذه القاعدة أن الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا ينفع صاحبه حتى يقر بتوحيد الألوهية، فيتوجه بعبادته كلها إلى ربه وخالقه وحده، ولا يسرف منها شيئا لغيره. سبحانه الله. Parmi les exemples de ce que le diable a utilisé comme ambiguïté pour embellir l'égarement et la fausseté à certains de ceux qui se disent musulmans, c'est qu'il leur a fait croire que d'être sur le tawhid, ça signifie de reconnaître uniquement que Allah est le créateur, celui qui donne la subsistance, celui qui contrôle l'univers, celui qui fait vivre et qui fait mourir. Et que si tu dis ça, ça y est, tu es sur le tawhid et tu as cru à un Dieu unique et tu es sur l'islam, le vrai. Et cette compréhension-là est fausse et incomplète. Et ça fait partie des faussetés par lesquelles le shaitan a embelli l'égarement à ses suiveurs et à ses fidèles. Parce que vous devez comprendre et vous devez savoir une chose, et ça c'est une clé dans la compréhension du tawhid et de l'islam, c'est que les mouchriquins de Quraysh, à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient tous d'accord que Dieu existe. Et ils étaient tous d'accord que Dieu était unique et qu'il n'y avait pas d'autre Dieu que lui. Hein? C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'autre créateur que lui, et que c'était lui le seul maître de l'univers, et que c'est lui qui contrôlait tout dans l'univers. Ils étaient d'accord avec ça. Et donc le problème, c'était pas ça. C'était pas dans qu'est-ce qu'on appelle ar-rububiyya, le fait de reconnaître que Allah est le maître suprême. Mais le problème, c'était dans le fait d'associer à Allah dans l'adoration. C'est-à-dire, ils disaient qu'Allah est le créateur, mais ils adoraient d'autres avec lui quand même. Et ils prenaient entre eux et Allah des intercesseurs et des intermédiaires dans l'adoration. Et c'est là que se trouvaient leur shirk et leur idolâtrie. Et malgré que les mushrikines, les gens de Quraysh à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, reconnaissaient qu'Allah était le créateur et le seul maître, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a quand même combattus et a déclaré qu'ils étaient sur le shirk. Et il a rendu leur sang et leurs biens et leurs femmes licites pour les croyants. Hein, et qu'il a permis de les combattre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas unifié Allah dans leurs adorations. Et donc, le fait qu'ils aient reconnu que Allah est le seul créateur, le seul maître de l'univers, ça ne faisait pas d'eux des croyants et ça ne faisait pas d'eux des gens qui ont établi l'unicité d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne cela et donne des preuves de cela dans plusieurs versets dans le Coran. Puisque Allah dit, et si tu demandes aux mushrikines qui a créé les cieux et la terre, ils répondront Allah, ils diront Allah. C'est-à-dire qu'ils croyaient en Allah et ils savaient que Allah était le seul créateur et que c'est lui qui avait créé les cieux et la terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset ce qui signifie, dis aux mushrikines, qui contrôle, qui vous donne la subsistance des cieux et de la terre? Qui détient l'ouïe et la vue? Et qui fait sortir le vivant du mort? Et qui fait sortir le mort du vivant? Et qui contrôle toute l'affaire? Ils diront certes Allah. Alors dis-leur, n'allez-vous pas le craindre? N'allez-vous pas le craindre et cessez d'adorer d'autres que lui? Et donc le résumé de cette règle pour comprendre le tawhid, c'est que de reconnaître l'unicité d'Allah dans la rububiyya, du fait de dire que Allah est le seul créateur, ce n'est pas suffisant pour être sur le tawhid. Il faut absolument que toute l'adoration que tu fais soit vouée et dirigée uniquement au créateur et à lui seul. Et celui qui offre à quelqu'un d'autre une adoration quelconque, eh bien, il a quitté l'islam, il a quitté l'unicité d'Allah. Et certains se disent parfois, hein, mais pourquoi on reparle toujours de ce sujet? Et pourquoi on mentionne tout le temps ce sujet alors que c'est quelque chose qui est connu? Et la réalité, c'est que on oublie que c'est ça la base de l'islam. On parle de toutes sortes de choses, du comportement, de la politique, de l'économie et de toute autre chose, de la prière, du jeûne, du hajj, de la zakat. Et beaucoup de gens ont encore du mal à comprendre cette base-là, sur laquelle tout le reste est établi. Et celui qui n'a pas compris cette base, tout le reste de ses actions n'auront aucune valeur et aucune importance. Et donc c'est du devoir pour nous de nous rappeler ça, de cette base-là à nous-mêmes, et de le rappeler à nos proches, de le rappeler à nos amis, de le rappeler à tout le monde qu'on connaît autour de nous, qui peut-être eux-mêmes ont des erreurs dans cette catégorie-là de la science. Et si on connaît des gens qui sont proches de nous, qui sont dans nos familles, qui sont dans nos amis, qui ont des mauvaises conceptions sur le tawhid, ou qui ont des erreurs dans le tawhid, et qu'on ne fait rien pour essayer de corriger leur situation, ou de les ramener à la bonne compréhension, et qu'on les laisse dans leur égarement, et dans leur égarement et dans leur ignorance, eh bien on est coupable, on est complice dans ce cas-là. C'est comme si on a été témoin de ça, et puis on n'a rien fait pour leur donner le bien et pour leur montrer le bien. Et le musulman doit aimer pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Alors s'il aime pour lui-même le tawhid et la guidance, alors comment il peut laisser ses proches ou ses amis ou les gens qu'il connaît dans l'ignorance du tawhid et les vouer à l'enfer éternel? وزين الشيطان لكثير ممن ينتسب إلى الإسلام المفتونين بالأضرحة وقبور الأولياء والمشاهد فقال لهم إنكم إذا دعوتم الأولياء ليقربوكم إلى الله فلستم بمشركين وإذا طلبتم منهم الشفاعة عند ربكم فلستم بمشركين لأنكم تعتقدون أن الذي يملك الضر والنفع هو الله وهؤلاء إنما هم وسائط بينكم وبين ربكم لحب الله لهم ولعظيم مكانتهم عنده فهذه شبهة باطلة نقضها القرآن الكريم فقد صرح ربنا في كتابه الكريم أن المشركين الذين كفرهم الله ورسوله واستحل دماءهم ونساءهم وأموالهم كانوا يقولون ما ندعو هؤلاء الأولياء إلا ليشفعوا لنا عند الله وما ندعوهم إلا ليقربون عند الله فهو العذر نفسه الذي يعتذر به عباد القبور اليوم ممن ينتسب إلى الإسلام فقال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فرد الله عليهم إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ورد عليهم قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون فصرح الله بكفر من دعا غيره يريد منه أن يقربه إلى الله أو يشفع له عند الله ولو قال إني على يقين أن ما أدعو على أن من أدعوهم من دون الله لا يملكون شيئا من ضر أو نفع serviteur d'Allah. Sachez également que parmi les ambiguïtés que le shaitan a utilisées pour tromper certains d'entre ceux qui l'ont suivi dans l'adoration des tombeaux, dans l'adoration des morts, dans l'adoration des tombes, c'est qu'il leur a dit que lorsque vous invoquez les saints et les awliya, eh bien vous n'êtes pas des mushrikins, parce que vous les invoquez pour qu'ils vous rapprochent un peu plus d'Allah. Lorsque vous leur demandez l'intercession auprès de votre Seigneur, eh bien vous n'êtes pas des mouchriquines en faisant ça. Parce que vous croyez que celui qui détient le pouvoir de nuire ou de faire du bien, c'est Allah seul. Et ceux-là sont seulement des intercesseurs et des intermédiaires. Hein? Et Allah les accepte leur intercession à cause de son amour pour eux et à cause du statut qu'ils ont auprès de lui. Et cette ambiguïté ou cette shubha, que c'est ce faux argument qu'ils essaient de ramener pour justifier leur idolâtrie et leur shirk, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala l'a réfuté clairement et a mentionné même dans plusieurs versets que c'était l'argument même des mushrikines de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu et ceux dont il a rendu licite le sang et les femmes et les biens. Et il disait, nous les invoquons, nous invoquons ses alliés que pour qu'ils nous rapprochent un peu plus d'Allah. et nous les invoquons, ces intercesseurs, que pour qu'ils nous approchent d'Allah. Et donc c'est la même excuse que ceux qui font le shirk aujourd'hui et qui se disent musulmans et qui adorent les tombeaux et les saints utilisent. Ils se disent musulmans, puis après ils disent nous prenons en dehors d'Allah des alliés et nous les adorons pour qu'ils nous approchent un peu plus d'Allah. Et Allah les a réfutés en disant Allah va certes juger entre eux dans ce sur quoi ils ont divergé, et Allah ne guide pas le menteur et le mécréant. Et il a dit également à propos de ceux qui faisaient ces actes-là ou qui avaient ces croyances-là à l'époque des mouchriquins, et ils invoquent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter, et ils disent ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Et Allah les a réfutés en disant, dit, allez-vous informer Allah de ce dont il n'a aucune science, ni dans les cieux ni sur la terre, que Allah soit purifié de ce qu'il lui associe et de ce qu'il lui donne comme associé. Et donc Allah a dit de façon claire et explicite qu'ils sont dans le kufr et dans le shirk pour avoir invoqué en dehors d'Allah des créatures au lieu d'adorer Allah directement. Et de prétendre qu'ils peuvent les rapprocher d'Allah ou les intercéder auprès d'Allah. Même s'ils prétendent qu'ils sont certains que ces personnes ou ces intercesseurs ne peuvent pas leur nuire ou leur profiter, et que c'est seulement Allah qui peut nuire et qui peut profiter. Si c'est seulement Allah qui peut nuire et qui peut profiter, alors pourquoi invoquer d'autres que lui dans ce cas-là? Et donc il y a certains qui disent, oui mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va intercéder au jour de la résurrection pour les pécheurs et pour les gens qui ont des kaba'ir. Et on dit, oui c'est vrai, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va intercéder pour ceux-là. Mais l'intercession ne doit pas être demandée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais elle doit être demandée à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que l'intercession appartient uniquement à Allah et non pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Dit, l'intercession tout entière appartient à Allah, à lui appartient les cieux et la terre. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، اعلموا أن الشيطان أوحى لأوليائه أنه إذا قال لكم الموحدون إذا دعوتم الأولياء فقد أشركتم وسرتم كمشركي قريش وأمثالهم. فقولوا لهم نحن ندعو أولياء صالحين، وقريش كانت تدعو الأصنام والأوثان، ففرق بيننا وبينهم. وهذه شبهة ساقطة نقضها الله في كتابه الكريم في مواضع عديدة، حيث صرح الله في كتابه بكفر من عبد الصالحين، وكفر من عبد الكواكب، وكفر من عبد الأوثان والأصنام، فكلهم سواء في الكفر. ولهذا كفر الله من عبد عيسى ابن مريم وهو من أولي العزم من الرسل، وكفر الله من عبد الملائكة وهم عباد مكرمون. وفي هذا يقول الله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، يعني ما أرسل الله من رسول ولا نبي يأمر الناس بعبادة الملائكة ولا النبيين فضلا عن الأولياء والصالحين. ثم رد على زعمه على من زعم تلك المقالة فقال سبحانه أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فكما كفر الله من عبد اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، فقد كفر عباد الملائكة والنبيين والصالحين. فإن من سوى الله عبد ضعيف فقير إلى ربه وخالقه ومولاه، يرجو رحمته ويخشى عذابه، ولا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا. سبحانه الله سأشيك parmi les rues également du shaitan, les ruses que le shaitan a lancées contre ses alliés, c'est qu'il leur a dit que les gens qui sont sur le tawhid, lorsqu'ils invoquent les associés ou les intercesseurs qu'ils ont choisis en dehors d'Allah, et que vous, ils disent à leurs fidèles, lorsque vous êtes en train d'invoquer les saints et les tombes et les morts, ils disent de vous, c'est-à-dire ceux qui sont sur le tawhid, hein, nous qui appelons au tawhid, ils disent de vous, vous êtes sur le shirk, hein, et vous êtes sur un shirk comparable à celui des mushrikins de Quraysh et de ses semblables. Alors ils disent à leurs fidèles de nous répondre, nous invoquons des hommes pieux. Et les gens de Quraysh, eux, n'adoraient pas des hommes pieux, ils adoraient des idoles. Donc il y a une différence entre ce que nous faisons et ce qu'ils font. Alors la réponse à cette shubha que le shaitan leur a lancée, c'est dans plusieurs endroits dans le Coran. Déjà, il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié et a mentionné clairement le kufr de ceux qui adorent les hommes pieux, le kufr de ceux qui adorent les étoiles, le kufr de ceux qui adorent les idoles, le kufr de ceux qui adorent, peu importe ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, tout ça c'est mentionné dans le Coran. Et tout ça c'est du kufr. Le fait d'adorer une idole, ou d'adorer le shaitan, ou d'adorer Jésus, ou d'adorer Marie, qui sont des prophètes ou des personnes pieuses, c'est la même chose pour Allah. Du moment que tu as offert à quelque chose, ou quelqu'un, une adoration quelconque, à autre que à Allah, peu importe à quoi ou à qui, c'est du shirk. Même si cette chose ou cette personne est pieuse parmi les serviteurs d'Allah, ou que ce soit un shaitan, c'est la même chose. Parce que le shirk, c'est le shirk. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a déclaré le kufr de ceux qui adorent Jésus, fils de Marie, alors qu'il fait partie des grands messagers d'Allah. Et il a déclaré kuffar également ceux qui adorent les anges et ceux qui adorent les prophètes, malgré que ce sont des adorateurs pieux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, et les prophètes ne vous ont pas ordonné de prendre les anges et les prophètes comme des seigneurs en dehors d'Allah. C'est-à-dire que Allah n'a pas envoyé un messager ou un ange pour ordonner aux hommes d'adorer les anges ou les prophètes, et encore moins d'adorer les hommes pieux et les saints. Et il leur a répondu et il a réfuté ça en disant أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Est-ce que, yani après que vous ayez été des musulmans, ils vont vous ordonner de commettre le kufr en adorant les anges et les prophètes? Et donc, de la même manière que Allah a déclaré celui qui adore Al-Lat et Al-Uzza et Manat, il les a déclarés kuffar, et bien c'est la même chose pour ceux qui adorent les hommes pieux, peu importe qui ils sont. Hein? Ceux qui adorent Ahmed Oubamba, ceux qui adorent Ahmed Tijan, ceux qui adorent Abdul Qadir Al-Jilani, ceux qui adorent Al-Badawi en Égypte, ceux qui adorent Al-Hassan ou Al-Hussein et Ali, et ceux qui adorent Fatima, et ceux qui adorent peu importe qui parmi les hommes pieux, c'est la même chose que s'ils adoraient le shaitan. Du moment que tu as offert une forme quelconque d'adoration et que tu as invoqué quelque chose en dehors d'Allah, tu as commis du shirk. Et donc tu as commis le plus grand péché qui existe. Et donc ils ne peuvent rien faire pour toi. Et ils n'ont aucun pouvoir pour venir. Ils ne peuvent même pas venir en aide à leur propre personne alors qu'ils sont dans leur tombe. Alors comment pourraient-ils venir en aide à une créature faible, hein, alors qu'ils n'ont aucun pouvoir? Et donc, revenez à Allah subhanahu wa ta'ala si vous voulez être sauvés dans ces choses-là. فَإِذَا عَرَفْتَ هَذِهِ الْقَوَاعِدَ الْعَظِيمَةِ تَبَيَّنَ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ فِي هَذِهِ الْأَعْصَارَ الْمُتَأْخِرَةِ لَيْسُوا مُشْرِكِينَ فَقَطْ ولكنهم أشد جرما وأعظم كفرا من كفار قريش وأمثالهم، لأن المشركين السابقين كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون الدعاء والدين في حالة الشدة. وقال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وأما المشركون الذين ينتسبون إلى الإسلام اليوم فإنهم إذا اشتدت بهم الكروبات صاحوا بأوليائهم يطلبون منهم الغوث والعون والمدد. يا تيجاني، يا عبد القادر الجيلاني، يا أحمد البدوي، يا فلان أغثنا. وهذا من الشرك بالله. فشركهم دائم في الرخاء والشدة. والمشركون الأقدمون كانوا يعبدون الصالحين وهو شرك دون شك. والمشركون الذين ينتسبون إلى الإسلام كثير منهم يعبدون أناسا هم من أفجر الناس أخلاقا وأخبثهم معتقدا، ومع ذلك يشهدون لهم بالولاية ثم يعبدونهم مع الله تعالى الله وتقدس. Serviteurs d'Allah, sachez que ces règles qu'on a mentionnées et qu'on a clarifiées, sachez qu'à partir de ces règles, on peut comprendre que les mushrikins qui vivent à notre époque et qui sont venus après l'époque du prophète sallam et qui ont commis du shirk, ne sont pas seulement des mushrikins simples, mais ils sont encore plus criminels dans leur shirk et leur kufr est encore plus grand que le kufr de Quraysh et ceux qui leur ressemblent, parce que les mushrikins dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou avant, quand ils étaient dans les moments d'aisance, quand tout allait bien, ils faisaient le shirk, ils adoraient les idoles. Puis quand ils avaient une détresse, ils oubliaient leurs idoles, puis ils adoraient Allah seul. Hein? Dans les moments de difficulté et de détresse, ils invoquaient seulement Allah. Mais quand ils retournaient dans l'aisance et dans la tranquillité, ils adoraient leurs idoles. Tandis que les mushrikis d'aujourd'hui, eh bien, Allah al-Musta'an, ils adorent d'autres que Allah dans les moments d'aisance et dans les moments de difficulté. Donc, ils sont en permanence dans le shirk. Et Allah subhanahu wa ta'ala donne l'exemple dans le Coran dans ce qui signifie, et lorsqu'ils montent sur le bateau et qu'ils ont un malheur ou une détresse, ils invoquent Allah en lui voyant un culte pur, ils adorent Allah seul. Et puis quand ils retournent sur la terre ferme, ils retournent au shirk. Ça c'était les mushrikins d'avant. Tandis que les mushrikins aujourd'hui qui se disent musulmans, quand ils ont des malheurs et des difficultés, c'est là qu'ils invoquent leur awliya, leur saint ou leur soi-disant saint, et qu'ils disent Ya Ahmad al-Badawi, Ya Tijani, Ya Abdul Qadir al-Jilani, et ils les invoquent en dehors d'Allah et ils leur demandent de les aider, et ils le font dans les moments de difficulté et dans les moments d'aisance. Et donc ça veut dire qu'ils sont pires, leur shirk est pire encore. Et aussi c'est que les mouchékines de l'époque, ils adoraient des hommes qui étaient pieux, qui étaient morts, et ils avaient fait leurs idoles, leurs images, leurs statues, et ils les adoraient en dehors d'Allah. Donc à la base c'était des hommes pieux, mais c'était quand même du shirk. Tandis que les mushrikines qui sont venus après, ils adorent parfois des personnes qui sont les plus perverses, et qui font les plus grands crimes et les plus grands péchés, et ils les appellent des saints malgré tout, et ils les invoquent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. أسأل الله أن يثبتني وإياكم على التوحيد والسنة وأن يجنبني وإياكم الشرك كله أكبره وأصغره وأن يهدي ضال المسلمين وأن يطهر بلاد المسلمين من مظاهر الشرك والوثنية وعبادة القبور والأضرحة إنه جواد كريم وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا صووا صفوفكم سدوا الفرج لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة حادوا بين المناكب والأقدام تراصوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا